Énergie. This is Imagine Dragons. C'est Maître Gims. Ma radio, c'est Énergie. C'est David Guetta. Happy Holidays. Sur Énergie. Feel my touch, then you might never

signed your name upon it. I put it in my wallet, hoping I see your face again. Aprender a controlar mi

Je l'ai fait pour toi.

walking out. I can hear you telling me to turn around. Fighting for my trust and you won't back down. Even if we gotta risk it all right now. I know you're scared of the unknown. You don't wanna be alone. I know I always come and go, but it's out of my control. And you'll be left in the dust unless I stuck by you. You're the sunflower. I think your love would be too much. You'll be left in the dust unless I stuck by you. You're the sunflower. You're the sunflower. Et Oli, tu connais non?

tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. 8% des gens ont déjà acheté un cadeau d'anniversaire dans une station service, j'en fais partie. Mais qu'est-ce que t'as acheté là-dedans? De la merde. Bah oui. Alors t'as le choix, soit t'achètes un chargeur universel, soit t'achètes une compile Énergie, mais pas la dernière, celle de 88. C'est le principe de la station service. Manu dans le 6-9. Manu, papa, palapa. 6h, 9h30 sur Énergie. Énergie s'engage parce qu'aujourd'hui encore, l'une des principales causes de mortalité chez les jeunes, c'est la route. Surtout si de l'alcool a été consommé. Alors ayez le réflexe de désigner votre Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook, Twitter ou Instagram. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Taki, taki, taki, taki, rumba. Energy. It's music only. Now I'm trying to find the words to put things in reverse. If you could see what I see, you could. Then you know just what you are. You're everything I want. You're everything that I want. Baby, go talk the way you're not supposed to. Your body can do the rest. You know it. And if you need a little mind vacation, press your cheek against my chest. When I'm with you, I lose control. When I'm with you, I lose control. Mieux que ça, Balotelli. M'en veux pas de me méfier. Homme, femme, y'a pas d'amis.

complicated, all tied up, no more love. Something more. Hermano Charuela. J'suis toujours resté le même, j'suis toujours resté le même. Je suis toujours resté franc, oui, comme ma première sacelle. 20 ans au-dessus de la mêlée, je ne sais pas m'arrêter, je sais que je devrais en laisser. Mais bon, je ne sais que les dresser, car j'ai ça dans l'ADN. Non, je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler, normal, on taille que les diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées, mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffés, leur donner le tournis quand tombent les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre, donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zoom, zoom, zoom, comme Diego dans la Bombonera. Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Overflowed, took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall, and if they laugh then fuck them all. And then I've got you off your knees, put you right back on your feet, just so you can take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there, feeling so high but too far away to hold me. You know I'm the one. You up there, name in the sky. Does it ever get lonely? Thinking you could live without me. Thinking you could live without me. Maybe I'm the one who put you up there. I don't know why. I don't know why. Thinking you could live without me. Live without me. Maybe I'm the one who put you up. Your mind, then I took yours and made them mine. I didn't notice cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall, and if they laugh then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there, feeling so high but too far away to hold me. You know I'm the one. You don't have to Si le temps passe, je t'aime autant. on sent mon parfum, douce odeur. T'es mon sapin sur mon rétroviseur. T'es mon écharpe, mon bonnet et mes gants. T'es mon palmier dans mon verre de rose blanc. T'es ma station essence quand je me perds. T'es mon week-end, ma première bière. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Invite. T'es mon amante, mon ami, mon instit. T'es ma soupline, t'es mon huile essentielle. T'es ma tartine, ma confiture de miel. T'es ma Charlotte, le bon, t'es ma bourgoin. T'es ma chance pour de bon, t'es mon bon point. T'as le compte Instagram que je mate le plus. T'es mon son préféré quand on attend le bus. Tout le temps. Last name with the ring on it, 'cause I pulled out a